Le Forum allemand anti-impérialiste a publié le 27 juin une déclaration en faveur de la notification de la représentation permanente de la République populaire démocratique de Corée à l'ONU, adressée au département d'État US.